Projet-ci, donc c'est un projet d'huilerie. C'est en fin de compte le premier projet qui a été installé donc sur le territoire suite à nos différentes visites en Allemagne et puis en Autriche notamment. Donc je vais quand même me présenter. Je suis agriculteur et ça j'y tiens, même si je suis jeune retraité. Je suis maire de la commune depuis 2001. Et pourquoi tous ces projets dans la communauté de communes? C'est parce que j'en ai été, sans me flatter, un des instigateurs du fait que j'ai conduit mon exploitation avec la plus grande autonomie possible. Donc ce que je voulais, c'était transmettre le travail que j'avais fait sur mon exploitation à une collectivité, à une communauté de communes, pour prouver que les producteurs. Donc cette huilerie, c'est une huilerie, on a démarré donc en 2007. C'était une Cuma, vous savez tous ce que c'est qu'une Cuma. Et aujourd'hui, nous sommes une coopérative. Because les problèmes de fiscalité. En Cuma, donc nous sommes limités donc à pouvoir acheter ou vendre à l'extérieur. Tandis qu'en coopérative, on a toute latitude. Je vais trop vite? Ça va. Donc, nous sommes aujourd'hui 53 adhérents à la CUMA, ou à la coopérative. Hein, c'est plutôt la coopérative que je devrais dire aujourd'hui. Avec des surfaces qui vont de 2-3 hectares par exploitation jusqu'à 25 hectares. Ici, donc, vous l'avez bien compris, nous sommes une région essentiellement d'élevage. Donc, l'importance de projets comme ceci. À l'origine, c'est vrai que l'idée était plutôt de produire de l'huile carburant. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons toujours. Mais ça a dévié un petit peu du fait du prix du pétrole qui avait bien monté et qui a bien redescendu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça marche bien dans les moteurs puisque nous sommes 5 agriculteurs à avoir de bicarburation. Donc ce n'est pas une modification. Sur les tracteurs, oui. On pourrait faire ça sur vos voitures aussi. Hein. Ça ne pose aucun problème. J'en ai une là qui se défend pas mal de l'autre côté. Là. Bon, donc oui, je disais par rapport au prix du pétrole, aujourd'hui, nous, l'huile que nous produisions, elle va plutôt à l'alimentation animale que à la production de carburant. Elle y va aujourd'hui pour 90% donc en production animale et 10% en carburant. Donc les adhérents ont deux possibilités par rapport au stockage de leurs graines. Donc vous avez peut-être aperçu un petit peu derrière le système de silo, hein, on pourra y jeter un œil tout à l'heure. Donc il y a deux solutions, où les agriculteurs stockent le colza chez eux, donc dans des silos classiques, ou ils le stockent dans un organisme coopérateur ou chez un négociant, chez un privé. Et après, donc, il est ramené ici à la coopérative. Sachant qu'ici, nous avons un petit stockage hein, de 60 tonnes qui dure 5-6 jours, hein, puisque l'installation que nous avons ici, c'est une presse de 500 kg/heure. Et quand nous travaillons, je dirais, non-stop, hein, jour et nuit, de manière à ce que la presse reste toujours bien chaude. Parce qu'une presse froide, quand on la démarre, on est pendant une heure ou deux à extraire très très mal. Quoi. On extrait très très mal, il faut que la presse monte en température pour pouvoir très très, très bien extraire. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes où l'huilerie ici est complètement arrêtée. Quoi. C'est surtout fonction de la demande en huile et de la demande en tourteau. Parce que ici, 80%, je parlais de l'huile tout à l'heure, que 10% allait donc en bicarburation. Ici, 90% du tourteau est repris par les adhérents, sachant que ce sont des producteurs laitiers, des producteurs de viande ou des producteurs de porc. Parce que ça marche, le tourteau de colza marche très très bien dans les machines à soupe pour le porc. Donc ici, je vais vous donner quelques chiffres. Cette installation a une capacité de 3600 tonnes par an. Nous n'y arrivons pas, bien sûr. Nous arrivons entre 800 et 900 tonnes seulement. Donc nous avons de la marge. Le problème, on voulait absolument, enfin ou personnellement, j'ai insisté pour avoir une unité industrielle parce que j'avais connu les petites presses à huile qu'on peut voir un petit peu partout, là de 50 ou 80 kilos, mais qui personnellement ne me donnaient pas satisfaction parce que j'avais fait des essais au niveau de la motorisation. Je voulais absolument une unité, disons, industrielle, de manière à sortir une huile impeccable pour pour en faire un carburant. Puisque en 2007, nous vendions plus de 50% de notre production d'huile sur l'Allemagne et sur la Pologne pour faire de la bicarburation, pour faire du carburant. Donc, un hectare de colza produit à peu près 35 quintaux. 35 quintaux de graines. Donc, 3,5 tonnes. De moyenne, sachant qu'on a bien progressé en travaillant ici avec la Chambre régionale d'agriculture. Parce que ici, les agriculteurs produisaient du colza, enfin, beaucoup d'agriculteurs produisaient du colza, mais seulement sur les 10% de terres qui étaient en jachère. Donc, comme vous savez que ces 10% de terres en jachère ont disparu, il fallait absolument améliorer la productivité. Donc, on a travaillé sur des variétés et puis sur des nouvelles lignées aussi de colza. Donc, une tonne de graines nous donne 35% d'huile. Donc, 350 à peu près. Mais l'huile, elle est toujours calculée non en litres, mais en kilos. C'est toujours exprimé en kilos. Quand on vend l'huile, on la vend en kilos. On la vend à la tonne ou on la vend au poids, mais c'est vendu au kilo. Et le reste, donc les 65%, ben, c'est ce que vous avez derrière vous. C'est le tourteau. Et donc, ce tourteau contient entre 12 et 13% de matière grasse. Contrairement au tourteau que vous allez trouver dans le commerce sur les huileries, je dirais encore plus industrielles que ceci, puisque les huileries industrielles travaillent avec de l'hexane. Vous connaissez l'hexane, c'est un acide qu'on balance sur la graine de manière à extraire encore plus d'huile. Malheureusement, c'est un produit plutôt cancérigène et qui a le désavantage de descendre le taux de matière grasse, ou l'avantage pour certains puisque l'huile est plus chère, à 3%. Donc ce tourteau est très très très recherché pour l'alimentation. On a même eu l'occasion de passer un contrat avec une coopérative qui faisait un aliment pour poissons et qui était vendu sur la Thaïlande. Pour le fameux panga. Donc, je ne sais pas si c'est un bon poisson, mais il est très vendu en tout cas. Donc voilà, maintenant, c'est le gros de la présentation. On peut visiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Elle rentre dans l'alimentation des porcs, soit sous forme de granulés, pour faire quelque chose qui, comme de la mélasse, quelque chose qui va coller, quoi, qui va tenir, et puis qui va surtout apporter de la matière grasse. Mais elle est utilisée à l'état solide. Donc elle est séchée et utilisée après à l'état solide. Alors, finalement, il y a il y a 90% de, il y a 100% du tout qui va à l'alimentation animale. Il y a 90% de l'huile actuellement, malheureusement, qui va à l'alimentation animale. Malheureusement, oui. Alors on peut se demander pourquoi vous pressez l'huile, quoi. Ben, c'est pour avoir une plus-value. Parce que si vous... Si, séparément, ça vaut plus cher. Séparément, ça vaut plus cher. Parce que l'an dernier, donc, on donne des acomptes aux adhérents tout au long de l'année. Et l'an dernier, donc, nous avons redonné 35 euros de la tonne de plus que si l'agriculteur avait livré son colza à la coopérative ou au négociant. Voilà. Mais sachant que l'objectif de ça, c'est bien le carburant. On est dans les normes. Le problème, c'est un problème économique qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est plus intéressant de vendre l'huile en production animale, puisque aujourd'hui, l'huile, elle est vendue 800 euros la tonne, hein, plus ou moins 10, en fonction, puisque ça change tous les jours. Hein. C'est indexé sur le prix du pétrole. Hein. L'huile, elle est indexée sur le prix du pétrole. Donc tous les jours, le prix de l'huile, il change, hein. Ou même toutes les heures, hein, puisque c'est comme ça avec le pétrole. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 800 euros la tonne. Et la tonne de colza, elle est vendue 210 euros. Malheureusement, le colza n'est pas vendu assez cher, parce que nous sommes en France très peu de producteurs à produire ce genre de tourteau, compte tenu du prix de la teneur en matière grasse. Parce que le prix du tourteau en France, il est calculé sur le prix des tourteaux extrudés, donc avec de l'hexane, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc nous avons 10% à peu près de matière grasse qui n'est pas valorisée, puisque malheureusement, on indexe le prix sur le prix des tourteaux extrudés, donc à 3% de matière grasse, ce qui nous pénalise, mais bon... C'est des petits marchés, c'est comme ça. À 800 euros la tonne, ça fait encore plus cher au litre. Ça passe pas au niveau du gazole ? Ben, au niveau du gazole, il est à 55 aujourd'hui. Le litre de gasoil. Rouge, hein ? Ah oui. Le rouge, hein ? Il passe pas dans les... Non, ben non, ça passe pas à 55. 55,80. Ah ben dans le diesel pour voiture, mais nous on ne veut pas travailler avec... Enfin, on est comme ça, mais on ne veut pas travailler avec Sophie Protéol. Bon, je n'en dirai pas plus. Non, parce que ce qu'on a monté ici, c'est comme tous les projets que nous montons, ce sont des projets locaux. Je ne vois pas pourquoi on va continuer, et puis c'est ça notre mal en France, hein. On est en train de faire circuler des camions du nord au sud. Après, on parle du CO2, on parle des problèmes sur la route et tout ça. Alors qu'au niveau local, on fait revenir des choses d'un petit peu partout. Nous, on ne va pas produire de l'huile ici, l'envoyer à Donge pour que Donge nous renvoie le carburant, le diesel. On est dans des trucs aujourd'hui complètement déconnants en France. Bon, il va falloir changer notre fusil d'épaule. Autrement, on est en train de se faire harakiri, hein. Oui, pour faire du carburant. Ah ben c'est plus un circuit court, mais au moins c'est des gens qui sont intelligents et ils l'utilisent. Tandis que chez nous, c'est le blackout. Quand on parle de l'huile dans les moteurs, tout le monde dit ouais, ça marche pas. Moi, je peux vous montrer mon tracteur, ça marche. Comment ? La safrane qui est là, elle marche aussi, même si je me suis fait arrêter par les douanes, mais ça marche. On roule bien avec l'huile de friture. Mais tout le monde le sait. Enfin, Monsieur Diesel, quand il a inventé son moteur diesel, c'était à l'huile de ricin. Hein. Moi, j'y peux rien, mais c'est comme ça qu'il a fait tourner son moteur. Hein. Bon. Hein, vous allez du côté de Lyon rencontrer Monsieur Collinet, qui est un motoriste depuis des années. Il a dans sa Cuma, dont il fait l'entretien du matériel, deux tracteurs qui fonctionnent à l'huile depuis 4-5 ans et il n'y a aucun problème. Il a démonté les moteurs, les pistons, les culasses, tout ça, c'est propre. Mais bon, en France, on a des lobbies. C'est bien plus intéressant d'acheter chez Total. Hein. Eux, ils font des bénéfices, tandis que vous continuez à payer. Et moi aussi. Aujourd'hui, l'huile et votre huile, elle est revendue à qui exactement ? J'ai dit 90%. Non, l'huile. J'ai dit 90% dans l'alimentation animale, c'est-à-dire principalement les coopératives du secteur. L'emballe, il y a des grosses coopératives de cochons, c'est principalement vendu là, à 40 km. c'est vendu là. Il en part aussi un tout petit peu chez les producteurs de plants de pommes de terre pour faire de la protection. Donc, ils pulvérisent à 20 litres hectare donc, sur les plants de pommes de terre de manière à faire une pellicule et de manière à éviter à ce que les insectes, les pucerons, ils piquent la plante et puis ils vous amènent le mildiou après derrière. C'est un produit qui marche très très bien. On en vend un petit peu aussi, mais c'est des quantités marginales. Hein, c'est à peu près 10 000 litres hein, qui va en production de plants. Mais ça augmente tous les ans parce que c'est le bouche à oreille. Et on en vend aussi un petit peu chez les entreprises de travaux publics pour induire les camions quand ils mettent de l'enrobé dans les camions. Comme aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre du gasoil à protéger les bêtes de camions. Ils mettent de l'huile végétale. Et puis un tout petit peu dans l'alimentaire, mais c'est marginal parce que c'est la même huile. Hein. C'est exactement la même huile. L'année dernière, on a eu une stagiaire qui nous a fait un dossier HACCP, hein, vous connaissez ça, pour donc pouvoir la commercialiser. Donc cet hiver, il nous faut un bureau parce qu'en France, les papiers, c'est important. Hein, faut surtout bien les garder. Et puis un toilette, ce qui est important aussi. Donc voilà ce qu'il nous faut pour pouvoir vendre de l'huile dans l'alimentation animale, sachant que c'est de la première pression à froid, hein, c'est la même chose, c'est la même qualité. Hein. On appelle les huiles. Voilà, les huiles première production à froid, première pression à froid. C'est première pression à froid. C'est comme ça qu'on appelle ces huiles. Donc avec cette presse, on pourrait faire du tournesol ici. Malheureusement, on ne peut pas. Comme il y a des gens de la région parisienne, d'après ce que j'ai compris, on a des très bons colzas qui viennent de chez vous parce qu'on travaille avec quelqu'un de la région de Rambouillet qui peut pas fournir parce qu'il a une petite presse. Donc on fait des échanges avec lui. Et avec les colzas de la région parisienne, on a pratiquement 3% de plus d'huile que dans ces régions-ci. C'est principalement lié au climat. La Bretagne, c'est un climat quand même très, très océanique. On n'arrive pas à avoir la maturité qu'il y a dans le centre de la France. On a une bien meilleure maturité et on sait à plusieurs reprises, on pèse nos camions, on pèse toutes nos sorties. On a pratiquement 3% de mieux avec. Et plus on va, quand on va dans les pays nordiques, l'Allemagne et tout ça, on a les mêmes problèmes. La Pologne, plus les hivers sont froids et meilleurs sont les colzas. En France, on a un climat, en Bretagne, trop tempéré. Donc, parce que, bon, à cette saison-ci, bon, il fait un petit peu frais aujourd'hui, mais c'est quand même pas froid. Donc, aujourd'hui, dans les petits colzas qui sont longs comme ça, on a plein d'altis. Donc, ce sont des pucerons. On les voit à peine, si, quand il fait un peu de soleil. Mais ils vont se cacher dans les feuilles et notamment dans le cœur de la plante. Ils vont pondre. Et au printemps, donc, ça va être des œufs, des petites mouches d'altis qui vont se développer et qui vont faire énormément de dégâts dans les siliques. Donc quand on a des hivers très très durs comme l'hiver dernier, ça tue la vermine comme on dit, hein, ça tue les altis et c'est très très très très bien pour nous. Ça. Dernier jour d'août. Ouais. Et à une semaine d'écart, on a des différences très très importantes. Il faut essayer, même dans le sec, on peut semer dans le sec, mais le dernier carat, je dirais, mais dernier carat le 10 septembre. Hein. Ici, oui. Ouais. Ouais. Ouais. Et donc, c'est une plante qui va rester 10 mois en terre, quoi, puisque ici, on récolte 10-11 mois, puisque ici, on récolte fin juillet. Fin juillet, oui. Ici, oui, on est très tardif. Ben, ici, c'est la petite montagne, ici. Hein. Non, c'est une région très froide de Bretagne. C'est possible, ouais. Juin, oh, ça m'étonnerait. Ah non, parce que je vois le collègue à Rambouillet, on y était chez lui les premiers jours de juillet et il n'avait pas fait encore. Ouais. Il n'avait pas fait. Non, je pense que, bon, vous me diriez 14 juillet, je dirais d'accord, mais pas, ça m'étonnerait avant. Ça m'étonnerait. Hein. Voilà. Hein. C'est une petite boutique. Aujourd'hui, ça tourne. Aujourd'hui, ça tourne. C'est pas tous les jours que ça tourne, mais c'est vrai. Ben, vous voyez les tourteaux qui arrivent là sur le transporteur. Donc là, parce que ça commence à être la période d'hiver pour les animaux. Donc on prévoit du tourteau pour les vaches, pour les cochons, pour l'hiver. Rentabilité de l'installation, ce ne serait pas rentable si on n'avait pas eu les aides à aujourd'hui, compte tenu du volume qu'on traite. Mais avec les aides qu'on a eues, puisqu'on a eu quand même pratiquement 65% de subventions, c'est relativement confortable, quoi. Mais on peut faire plus, hein, sachant que sur le site ici, nous sommes trois à faire fonctionner l'huilerie, et ça demande un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, quoi, hein, au niveau temps de travail, quoi. Moi, je m'occupe principalement de l'achat et des ventes, un petit peu du matériel aussi, mais beaucoup moins du matériel. Pas de coût de manœuvre. Moi, je ne prends pas de rémunération, mes deux collègues en prennent parce que bon, c'est normal, ils font plus que moi. Mais moi, je ne prends pas de rémunération et non, c'est très très léger. Hein, c'est normal de ne pas être payé quand on est maire. Tu l'as dit, c'est tout à fait. Mais c'est un petit peu ça qui a guidé mon raisonnement. 550 000 euros. C'est pas encore important. C'est pas excessif. Ici, ce qu'on voudrait bien à terme et à court terme, c'est le stockage. Faire notre stockage. Parce que c'est un des soucis, quand je vous disais tout à l'heure, par rapport au rendement d'huile sur graines, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs. Moi, personnellement, nous, on stocke tout à la ferme. Hein. Mais ce qu'on voudrait, c'est tout stocker pour la coopérative ici. Parce que dans les coopératives, ben, on mélange tout. Hein. Nous, au niveau de la coopérative, de notre CUMA ici, de notre coopérative, on essaie d'avoir des bons colzas propres, de bien travailler, mais bon, ce n'est pas le cas partout. Et quand on a 4-5 000 tonnes dans des grands silos, bon, voilà. Je suis un peu grossier, mais le colza, il y a des problèmes de sécurité dans le gros stockage de silos. D'huile ? Non. De graines ? Non. Pas à ma connaissance. Il y a des normes. Oui, il y a des normes, mais pas à ma connaissance. Non, non, c'est une graine qui se stocke très bien. Bon, il y a quand même des précautions à prendre. Non, quand c'est battu bien mûr. Il faut que ce soit moissonné bien mûr. Le taux d'humidité, il ne faudrait pas, hein, je dis bien en théorie, hein, mais ce n'est pas toujours facile, il ne faudrait pas dépasser 7% de taux d'humidité. On y arrive. Il faut être un peu patient. On surveille la météo, surtout chez nous. C'est pas facile. Hein. Parce que beaucoup d'agriculteurs, ben, quand il fait un peu beau, parce que le colza, c'est quand même une graine qui est vraiment sensible. Il faut savoir que ben, c'est une gousse, hein, c'est une silique, vous avez tous vu ça. Et donc, quand il fait pas mal de soleil, la gousse, elle va s'ouvrir et le soir, elle se referme. Donc, c'est en permanence comme ça. Donc, quand on attend trop, la maturité, ben, il n'y a plus rien dans la gousse, il n'y a plus rien dans la silique. Donc c'est un compromis, pas toujours facile. Et au 14, au 20 juillet ici, on a quelquefois des orages, sauf cette année, mais on a des orages qui peuvent être meurtriers aussi, quoi. Donc c'est assez technique, hein, malgré tout. Mais quand on a moissonné bien sec, bien mûr, 6-7% d'humidité, on n'a aucun problème de conservation. Un petit peu de soufflerie, deux jours après avoir récolté, de manière à attendre que la graine ait su. Il faut que la graine se libère un peu de son humidité, ait su, puis là on ventile et il n'y a aucun problème. Hein. Ça marche bien. Les agriculteurs sont actionnaires, Ah oui. Ici, les adhérents payent un droit d'entrée, c'est-à-dire une part sociale, 50 euros de l'hectare, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. S'il y a 2 hectares, c'est 100 euros. S'il y a 3 hectares, vous voyez, c'est 105. Non, ça ne va pas chercher loin. Non, ça va pas chercher loin. Ça va pas chercher. Le projet n'était pas rentable sans les aides. Non. En intégrant une après capacité à 3600 tonnes. À 3600 tonnes, oui, là, c'est très, très intéressant. Et vous avez des nouveaux aides. À 3600 tonnes sans subvention, c'était très jouable, oui. Le projet, il était monté comme ça. Hein. Voilà. On a des nouveaux adhérents et puis surtout là, ben, enfin bon, On est en train d'essayer de passer un marché, mais moi, ça me plaît pas trop. Mais enfin, bon, business, on va peut-être, on va peut-être se laisser faire. Hein, bon. Non, parce qu'on a une coopérative de la région parisienne qui voudrait nous reprendre le tourteau de colza pour brûler dans des chaudières bois. C'est qui? C'est quand je vous dirai ça quand ce sera signé. Non, mais on achète parce que c'est intéressant hein, de presser hein, bon, 30 ou 40 euros de la tonne, c'est pas négligeable. On achète de la graine et puis on revend bien le tourteau. Hein. Et l'huile, on n'a pas de souci hein, parce que l'huile, vous voyez bien, quand on n'a pas d'huile de qualité en France, on achète de l'huile de palme. Alors, bon. Et bon, là, on est parti cette année pour avoir une grosse année en fin de compte, quoi, parce que les surfaces ont diminué. Mais je crois qu'il ne faut pas partir d'ici avec l'idée que c'est un projet industriel. Il faut partir d'ici avec l'idée que c'est un projet local qui est en sous-capacité. Parce que nous, ce qu'on veut absolument pas, c'est faire convoyer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des camions du nord au sud et des trucs comme ça. On veut que ce soit un projet absolument local. Et moi, je me bats, et c'est là notre bâton de pèlerin, nous, les adhérents du début, c'est de démontrer aux agriculteurs qu'ils ont intérêt à travailler comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut absolument qu'on obtienne ici, même en France, hein, la plus grande autonomie possible. C'est ça qu'il faut, avoir à l'idée. C'est pas un montant, un projet industriel, acheter, vendre. Bien sûr, on va faire du business, ça peut être intéressant. Mais c'est démontrer aux agriculteurs qu'ils ont intérêt à travailler comme ça. Intérêt parce qu'ils ont la possibilité de produire du tourteau, du colza, pardon. Ils ont la possibilité de produire du colza sur leur exploitation. Ils ont avec cette unité la possibilité de le triturer, de le valoriser. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un tourteau qu'ils vont pouvoir reprendre de très bonne qualité, parce que les adhérents du début qui l'utilisent soit en vache laitière, soit en bovin viande, sont très satisfaits. Et donc l'huile, du fait qu'il n'y a aucun souci pour la commercialiser, l'huile, on peut la vendre, puisque vous disiez très justement tout à l'heure, elle revient dans nos exploitations. Donc utilisons déjà le tourteau pour nos animaux, produisons du colza pour nos rotations, et donc on va avoir quelque chose, une agriculture qui va être de moins en moins dépendante. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une agriculture industrielle complètement dépendante. Vous faites un investissement aujourd'hui, demain, vous ne savez même pas à quelle sauce vous allez manger. Tandis qu'avec ce système, vous avez tous les éléments. Les agriculteurs ont tous les éléments pour travailler. Moi, depuis que ça marche ici, on n'a pas besoin d'être en train de surveiller les cours du tourteau de soja qui va venir d'Amérique parce qu'il y a de la spéculation, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On a tout. C'est ça qu'on veut démontrer dans ce genre de projet. Si on a fait ce projet industriel, c'est pour avoir un projet de qualité, mais surtout avoir un projet local. Et moi, ce que je souhaite, c'est que plusieurs projets comme ça dans les régions en France s'installent. On ne se fera pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Micro-industrie. Comment ? La micro-industrie. Micro-industrie, une petite industrie locale. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le modèle allemand qu'on cherche en permanence dans les médias en ce moment, hein, c'est ça ? Ben c'est ça. Moi, je vais être méchant, mais il y a des moments follettes. Moi, j'ai un peu vadrouillé aussi, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en France ? On est parti, moi je ne fais pas de politique et j'en ai rien à faire, même si on a tous nos idées, mais on est parti avec de l'ultralibéralisme pour en faire un système communiste. C'est malheureux de faire le raccourci, mais il n'y a plus que quelques personnes dans le système qui vont détenir les clés de tout, et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Alors après, ben oui, ça fait 15 jours, 3 semaines, on est dit, oh ben ouais, l'Allemagne, dis donc, ils créent de l'emploi, ils créent ceci. Ben, c'est sûr, hein, quand on va chez eux, moi j'y vais régulièrement, mais ce n'est pas une raison. Quand on va chez eux, ben oui, il y a encore de la micro-industrie, il y a encore de l'artisanat, il y a encore des petits commerces et tout ça. Ici en France, on a tout centralisé. Et quand vous voulez avoir quelqu'un, ah ben alors là, moi j'ai installé des panneaux photovoltaïques à la ferme. Hein. Ils sont installés depuis le mois de février. Ils sont pas raccordés, vous avez raison, ils sont pas raccordés. C'est normal? C'est une honte. C'est une honte, notre système centralisé, c'est une honte. Alors on téléphone, on a quelqu'un qui est l'ordinateur. Ah oui, monsieur, mais oh, il me manque des références. Ben, faites-les, les références. Ah non, non, je peux pas, la machine, elle travaille la nuit. Je vous rappelle demain, ouais. Voilà la France. Vous appelez France Télécom. Je suis maire, j'ai eu le même problème avec EDF. On m'a mis un branchement de chantier pour faire des travaux. Le 8 mai, on m'a mis le coffret. Le 8 janvier, j'ai eu quelqu'un avec costard cravate qui est venu me dire « Monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de brancher les logements sur le branchement de chantier. Moi, j'avais des locataires dedans. » Je dis, moi j'ai des droits, mais vous, vous avez des devoirs et vous allez faire demi-tour parce qu'il n'est pas rentré à la mairie. Mais par contre, j'ai eu le courant que lui met. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on ne va pas continuer comme ça quand même. C'est qu'on va. C'est qu'on va, c'est qu'on va, c'est qu'on va. Bon, enfin, moi je me bats. Hein. Je me bats, c'est comme si je faisais rien parce que tout le monde s'en fout. Mais je crois qu'on est mal barré. Hein. On est vraiment mal barré. Ma grand-mère disait tout le temps, un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Hein bon. Il n'y a pas d'OGM là-dedans. Il n'y a pas d'OGM. Voilà. Voilà, je ne sais pas si... Ah mais bien sûr, on va peut-être regarder les silos, je vais vous dire deux, trois petites choses et puis on voit la presse. Ça sort toujours en granulé? Ça sort toujours en granulé. Mais les granulés se... Ben, on a choisi ce système-là parce qu'en fin de compte, il y a deux systèmes. Hein. C'est le granulé ou l'écaille. Oui, oui. Nous, on a choisi ce système-là parce que c'est plus joli, c'est plus commercial. Et comme on en vend un petit peu aussi à la bergerie de Rambouillet, là, pour les moutons. Donc, les moutons, ils préfèrent le granulé que la poussière. Autrement, ils en ont plein la bouche. Bon. Pardon. Oui, je t'en prie. Comment? Vous avez dit que vous utilisez une petite partie de carburant que vous produisez pour des automobiles. Est-ce que c'est du carburant à l'état pur ou vous le mélangez? Dans les voitures, on le mélange. Mais dans les tracteurs? Dans les tracteurs, quand on a fait une modification sur le tracteur, c'est-à-dire un kit, donc c'est simplement un échangeur. Donc, on réchauffe l'huile parce que l'huile a un taux de cétane plus élevé que. Plus grasse, plus élevé que le gasoil. Donc, on chauffe l'huile avec le réchauffeur, avec l'eau qui est dans le radiateur de la voiture ou du tracteur. Les deux ne se mélangent pas, bien sûr. Ils se passent l'un à côté de l'autre. Et quand la température de l'huile est montée à 60 degrés, avec une électrovanne, on bifurque et là, le tracteur, il tourne à 100%. C'est très simple. Très simple. Pour les voitures, donc, c'est interdit. Hein. C'est interdit en France, mais l'Europe autorise. Alors, j'y comprends plus rien.